prend sa terre. C'est Oli. O-L-I. La Bibli des petits. Je suis pas petit. Bonjour, je suis Guillaume Meurice et je vais vous raconter une fabuleuse histoire de liberté, le renard et le poulailler. Il était une fois trois poules, Josette, Colette et Bernadette, qui habitaient un très joli poulailler. Un grand nichoir à l'abri du vent, de la paille bien sèche et une grande étendue d'herbe verte faisaient d'elles les poules les plus heureuses de la terre. Tous les jours, après leur ponte, elles se réunissaient pour discuter. Assises chacune sur leur nid, elles caquetaient ainsi des heures durant, de la météo, du prix des graines de maïs ou des œillades du coq voisin. Tu crois qu'un jour il me dira « T'as de beaux œufs, tu sais ?» plaisantait Josette. Elle s'amusait bien, gloussait beaucoup. Parfois, ces discussions prenaient des allures plus sérieuses, car toutes trois aimaient également parler philosophie ou encore littérature. De tôt le matin à tard dans la nuit, ainsi pouvaient-elles refaire le monde des heures durant, jusqu'à ce que le sommeil les emporte vers de doux rêves peuplés de quignons de pain dur et d'épis de maïs à grignoter. Ainsi vivaient-elles en parfaite harmonie, sans aucune prise de bec. Par une belle matinée de printemps, alors que toutes trois devisaient tranquillement, en profitant des premiers rayons du soleil, elles entendirent gratter au portail. Surprise, elles dressèrent leur tête. Aucune visite ne semblait être prévue aujourd'hui. Qui êtes-vous ? S'inquiéta d'abord Josette. Une voix douce et rassurante perça le silence. Je suis un renard. Je peux entrer ? Josette, Colette et Bernadette se regardèrent, interloquées. Un renard, vous avez dit ? Répondit Colette. Oui, répondit-il. Je suis un gentil renard. Fit Colette. Fit Bernadette. Disons que quoi ? Insista le renard. Vous êtes un renard, donc. Donc quoi ? Je ne comprends pas. Si on vous laisse entrer, vous allez nous manger, quoi, voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Affirma Josette. Vous mangez ? Mais non. Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Répondit le renard. Nous prenez pas pour des jambons, hein, on est des poules, hein ! S'écria Josette. Non, je n'ai pas faim, je vous assure. On connaît les fables de La Fontaine, hein. À chaque fois, ça finit mal dans ce genre de situation, ça va, hein. Renchérit Colette. C'est vrai que rien que d'y penser, hein. S'effraya Bernadette. Ça te donne la chair de poule. Répliqua Colette pour tenter de détendre l'atmosphère. Raté. L'heure n'était pas à la plaisanterie. Le renard reprit. Mais les fables de La Fontaine, ce sont des histoires inventées par un humain pour parler à des humains. Là, ça n'a rien à voir. Je suis juste un gentil renard et je vous demande de rentrer. Mais attendez, d'abord, pourquoi vous voulez rentrer ? Est-ce que vous êtes en danger ? Quelqu'un vous veut du mal ? Vous demandez de l'aide ? S'inquiéta Josette. Ah non, pas du tout, non. Tout va bien pour moi. Ben alors, pourquoi ? Eh bien, simplement, je viens de passer par hasard devant votre poulailler et je vous ai entendu discuter. Vous parliez d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. La discussion du jour portait sur l'importance d'être ou de se sentir libre dans la vie. Bernadette, Colette et Josette étaient friandes de ce genre de thématiques sur lesquelles elles aimaient réfléchir des heures. « Ça vous intéresse ?» répondit Colette. « Et pourquoi donc ?» Eh bien, vous voyez, moi, par exemple, je pensais que j'étais libre. Mais si vous ne me laissez pas rentrer, eh bien, ça veut dire que je ne le suis pas vraiment. prise à leur propre piège, les trois poules restèrent tout d'abord silencieuses. Puis Colette osa. « Ah ben, disons que là, il nous a bien cloué le... »« Mais vous dites n'importe quoi, monsieur le renard !» la coupa Josette. « Poursuivez votre route! Vous êtes trop dangereux !»« Attendez, je dis n'importe quoi. Expliquez-moi. Et ma liberté, que faites-vous de ma liberté? Pourquoi vous m'empêchez d'aller là où je veux ?» implora le renard. Le doute commença à poindre dans le regard de Colette et Bernadette. « Ben si, c'est vrai que là, ben, il a pas tort, quoi. C'est vrai qu'il n'y a aucune raison de l'empêcher d'accéder à ce terrain. Le renard est libre, après tout. Bon, ben... Mais attendez, la liberté du renard dans le poulailler, vous y croyez, vous ?» s'inquiéta tout de même Josette. Les trois poules, immobiles, dressées sur leurs pattes, semblaient dans l'incapacité de prendre une décision. « Eh bien, vous n'avez qu'à voter !» s'exclama le renard. « Voter, c'est-à-dire voter !» lui répondit Colette. « Eh bien, chacune d'entre vous décide, si elle est pour ou contre, la liberté !» répondit le renard. « Attendez, non, si elle est pour ou contre, votre liberté !» reprit Josette. « Oui, enfin, voilà, comme vous voulez. L'important, c'est que vous soyez libre de votre choix, n'est-ce pas ?» conclut le renard. Les trois poules semblaient de plus en plus perdues et désemparées. « Bon ben, on fait ça ?» questionna Bernadette. « Ben oui, voilà, allons-y, quoi, essayons, quoi !» répondirent les deux autres. Bernadette organisa. « Bon ben, on prend cette mangeoire pour faire une urne, et puis on dit « petit caillou noir, on le laisse rentrer, petit caillou blanc, on le laisse dehors !» Chacune partit alors à la recherche de ce petit bulletin de vote bien particulier, et puis, une fois débusqué, alla le déposer dans une petite écuelle. « Bon ben, il reste plus qu'à compter !» s'exclama Bernadette. Le résultat était net. Deux petits cailloux noirs, un petit caillou blanc. Bernadette soupira. « Ouf, vous avez gagné, renard, voilà, bon ben... Bah, on va vous laisser rentrer, quoi !» annonça-t-elle d'une voix peu rassurée. « Merci, vous avez agi avec une grande sagesse !» répondit calmement le renard. Timidement, Josette s'approcha du portail et s'empara de sa poignée. À peine était-il entrouvert que le renard, toute canine dehors, babine retroussée, se rua sur elle dans un mouvement enragé. Bernadette et Colette eurent d'abord un mouvement de recul, puis restèrent pétrifiées devant la voracité du renard. Josette, de son côté, tenta de fuir, mais sentit des crocs lui agripper la patte. Alors, Colette prit son courage à deux ailes et se rua sur l'arrière-train du renard. Une fois à sa portée, elle lui asséna de grands coups de bec. Furieux, le renard se retourna brusquement, laissant à Josette le temps de fuir pour se réfugier dans le nichoir. Pas le temps pour le renard de reprendre son souffle. Bernadette se précipita sur son dos et s'agrippa à son pelage. Surpris, il tenta de s'en débarrasser en secouant de toutes ses forces, mais Bernadette s'agrippa de plus belle et commença à lui becqueter les oreilles. Paniqué, ne sachant plus où donner de la tête, le renard n'eut d'autre solution que de faire demi-tour sous le caquettement joyeux des trois amis. Alors qu'au loin, on le voyait s'enfoncer piteusement dans le sous-bois, Josette, Colette et Bernadette tentèrent de se remettre de leurs émotions. Bernadette mit quelque temps à se relever. Colette remit de l'ordre dans son plumage, Josette passa timidement la tête par la porte du perchoir. « Eh ben !» s'écria-t-elle. « C'est une bonne leçon de philosophie que nous avons prise aujourd'hui !» soupira Bernadette. « Ah oui ? Laquelle ?» se demanda Colette. « Eh ben, disons que parfois, la liberté des plus forts opprime celle des plus faibles !» Une leçon à méditer pour toutes les petites poules et tous les jeunes coqs, au risque de se faire dévorer tout cru. « On a aussi appris autre chose, si je peux me permettre !» ajouta Josette. « Ah oui, quoi donc ?» questionna Bernadette. « Eh bien, qu'en toutes circonstances, l'union fait la force !» répondit fièrement Josette. En effet, une leçon toujours utile lorsqu'on veut éviter de se faire plumer. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit les mioches. Non, pas au lit. Au lit les mômes.